marin de troupe, chasseur de roues. Le rap à le bus, je le hagard de ouf. Le secoue, secoue jusqu'au cassage de cou. L'industrie sera victime des cassages de cul. Au pire, n'est qu'à tes chis, sera le paratéchu. Tu bois pas tes sur chérie, avale le jus. Ta queue chez mouillée, bataille, navale dessus.